ne parlerai qu'à ta complice, t'es perdu des choses que je ne comprendrai pas. Et de toi qui pars, moi qui meurs ici-bas. La vie est belle et rude parfois, nous deux contre le monde. Et je perds mon bras droit qui dirigera notre suite, qui gouvernera ensuite un empire bâti sur des draps de soie. Dans le fond, la suite me convient tout autant d'en rester dans le noir et la contrefaçon. Et brille dans la ville et la nuit en silence, brille dans la ville et son incandescence. L'essence qui fourmille me glisse entre les doigts, coulant cascade, je ne la retiendrai pas. Je suis un brasier et je perds tout ce que j'avais bien. C'est les mistral qui me ravagent, m'éteint ou teint. Et la pluie nous effacera comme s'il n'y avait rien eu avant. Le vent soufflera à nos